Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Au voleur, une série documentaire de Jérôme Sandelars réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a ces histoires de braquage ou de pickpocket magiciens, les stéthoscopes sur les coffres-forts, mais ce souvenir de la fois où l'on a été cambriolé, ou cette sensation de griserie un peu pathétique le jour où on a piqué du maquillage, et la honte quand on s'est fait prendre. Alors pour commencer, les personnages. Des voleurs malicieux, un psychiatre compatissant, une femme qui veut être confondue, une historienne de la belle époque, une bourgeoise et ses 28 paires de gants, un neurobiologiste qui donne des infos, un voleur d'images, un enfant chapardeur, une autrice curieuse et une ex-voleuse et sa chemise fétiche. Ensuite, le décor, des briquets, des crises, des obsessions, des rubans, des grands magasins tentateurs, le désœuvrement, l'excitation, des demandes de grâce, l'hérédité, un laboratoire de recherche, une odeur de souris, la compulsion, de la soie, un peu de sexisme, la voix de Jean Marais, une transe, une garde à vue, des tics et des thérapies. Aujourd'hui, 3e épisode, on nous lit une histoire. Valentine soupira. Éteignit la lumière, crut pouvoir se rendormir, mais n'y parvint pas. À 3h01, elle ralluma. Et dans le halo de la lampe de chevet, elle tapa deux mots. Kleptomanie et thérapie. Kleptomanie ou kleptomanie avec un K. Maladie mentale. Obsession consistant à voler des objets. Cette monomanie pouvant se porter sur des objets dont la valeur importe peu. Impulsion pathologique poussant certaines personnes à commettre, etc., etc. Symptômes. Cause. Santé doc. Les raisons peuvent être psychologiques et ou médicamenteuses. Voyage en kleptomanie par Jérôme Sandelars et Anna Schmuck. Pour le kleptomane, ce qui compte, ce n'est pas le bien qu'il s'approprie, mais l'acte de voler. Pour éprouver des sensations, excitation ou peur, et lutter contre l'angoisse. Tout cela n'apprenait rien à Valentine. Elle passa à un autre site, une série de témoignages. Moi, c'est toujours lié à un plaisir. Pas le plaisir de piquer, mais le plaisir de ce que je vais en faire après. Et un jour, j'étais toujours avec ce mec chez Lucas Carton. Et puis, il y avait un cendrier. Et d'un coup, ça me prend. Je lui dis, putain, qu'est-ce qu'il est beau. Il était vraiment beau, quoi. Je lui ai pu des petites fleurs, des machins. Et je lui dis, je le veux, alors je vais le piquer. Alors là, d'un coup, il a eu ses yeux qui ont fait tilt. Il s'est dit, merde, chez Lucas Carton, quand même. Puis moi, quand je pique, d'un coup, j'ai une espèce de truc qui me prend. Je deviens comme folle. J'ai l'œil qui commence à s'ouvrir, à pétiller de partout. Et le fou rire me prend. Tellement je suis fière de moi et tellement je suis contente. Et surtout que l'autre, il a rien vu en face. Alors là, ça me tue, je veux dire. Il faut que je fasse partager très, très vite. Alors c'est l'autre qui est emmerdé après parce qu'il a les jetons qu'on le chope. Enfin bon. Mais moi, je deviens un autre personnage quand j'ai piqué. C'est-à-dire, d'un coup, j'ai une espèce de folie, de plaisir, d'envie de le toucher, de le malaxer, de le tripoter, de... Voilà. Moi, je sais que lorsqu'il y a une soirée quelque part où je me retrouve avec des amis et que quelqu'un distraitement glisse le briquet dans sa poche, je m'arrange toujours moi-même pour monter toute une stratégie, une ruse, pour essayer de récupérer le briquet. Le truc, c'est de demander du feu à la personne. À ce moment-là, je ressors le briquet et je lui subtilise jusqu'au moment où éventuellement la chose peut se reproduire dans le sens inverse, jusqu'au moment où finalement je partirai avec le briquet. Et piquer le briquet de quelqu'un, c'est sans doute s'approprier un petit peu sa personne. Et en général, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait un type, un style de gens voleurs de briquets. En général, ce sont des gens gominés, gommeux, que je supporte pas. Et très volontiers, je leur casserai la figure. La maladie se manifeste par crises plus ou moins récurrentes, le patient étant en proie à des obsessions qui suscitent chez lui un état de tension et d'excitation de plus en plus forte, le passage à l'acte apportant plaisir et soulagement. Parlez-moi de votre premier vol. Quel âge avez-vous? J'avais 17 ans. Vous étiez déjà couturière? Oui, Et chez moi, j'avais pourtant tout ce qu'il faut. C'est arrivé comment? J'étais dans un grand magasin, je voulais acheter des rubans. Puis j'ai vu la robe. Elle était bleue. Mais un bleu électrique. C'était comme si elle me regardait. Elle se tenait droite. Ensuite? Je me suis approchée de la robe. Je l'ai prise contre moi. J'ai relevé ma jupe. Vous m'avez frottée contre vous? Je sais plus. Je crois, oui. J'ai oublié. J'ai soif, je peux avoir de l'eau. Docteur Elian Touche, alors là, on se retrouve dans votre cabinet. Vous, vous êtes psychiatre, oui. Directeur du Centre des troubles anxieux et de l'humeur que oui. vous avez créé. En 2007. Comment on pourrait définir ensemble ce qu'est la kleptomanie? Ouais, ça c'est un trouble, hein, ou une maladie un peu spéciale. Hein. Déjà, le mot kleptomanie, c'est la folie du vol. Hein. Et ça a été décrit déjà en 1818, donc début 19e siècle. Et deux psychiatres français, Esquirol en 38, l'ont décrit pour défendre des gens ou des dames, parce que souvent c'est les femmes qui sont kleptomanes, qui sont de bonnes familles, aisées, et que la justice les accuse de vol. Hein. Et ces deux psychiatres disaient, mais non, elles sont pas des voleuses, c'est des malades, et il faut les soigner. Et que les gens ne soient pas accusés ou... J'étais en prison. J'étais en prison pour vol. Et là, il y avait un débat. Est-ce que c'est une maladie mentale qu'il faut soigner ou non, c'est des vols maquillés? Parmi les patients que vous suivez ici, docteur Antouche, oui. est-ce que vous comptez des kleptomanes? Dans mon expérience, je peux vous dire, j'ai une dizaine à peu près qui sont venus pour la kleptomanie. Hein. Mais pas en disant je suis kleptomane et je veux voir. Ils sont venus en disant je suis déprimé, hein. J'ai un trouble anxieux, hein. J'ai un TOC. Et petit à petit, quand ils étaient en sécurité, ils ont parlé de ça. C'est pas facile. Hein. J'ai une, c'est pas elle qui a demandé les soins, c'est la justice qui lui a ordonné. Parce qu'ils ont découvert chez elle deux pièces comme une caverne d'Ali Baba. Hein. Elle travaillait, vous savez, dans les duty-free de Charles de Gaulle, et elle piquait des magasins. Elle était étonnée que personne ne l'arrêtait. Donc c'est devenu une habitude. Mais elle s'est prise à son propre jeu. Et elle disait, parfois je le faisais ouvertement en disant, mais attrapez-moi, regardez ce que je fais. Mais elle avait une tête de quelqu'un qui était inoffensif, c'était pas la fille qu'on ou la personne, on suspecte qu'elle est voleuse. Non et comme elle travaillait là-bas, donc on la connaissait. Et ça a duré des années, quoi. Et deux pièces remplies, hein, des fourrures, des bijoux, des trucs. Hein. Maintenant, est-ce qu'elle est une voleuse compulsive ou une kleptomane? Moi, j'ai défendu son cas devant le juge en disant non, c'est une kleptomane. Et le juge, à la fin, dit qu'elle se soigne. Donc là, vous étiez intervenu en tant qu'expert. Oui. Parce que quand on a pris son histoire, hein, cette accumulation, elle ne savait pas quoi faire. Ni elle les vendait pour faire un business, elle les gardait. C'est curieux, il y a des kleptomanes collectionneurs. Ils volent des petites choses à la con et ils gardent des tirelires, ou des porte-clés, ou des sous-vêtements. Vous voyez? Mais dans le cas précis que je cite, là, la fille a fait des dépressions, des tentatives de suicide, et pour moi, c'était un cas bipolaire, c'est-à-dire, il lui fallait des médicaments, hein, et finalement, ça s'est arrêté avec le traitement et le suivi. Parce qu'il y a plein de bipolaires, même en dehors des épisodes, dans leur code affectif naturel, ils ont cette hyper-réactivité émotionnelle, ils ont ce besoin de jouer avec le danger, prendre un risque, chercher des sensations fortes. Parce que ça rapproche un peu chez les kleptomanes ce qu'on appelle les joueurs de casino, vous voyez. Ils rentrent, ils savent qu'ils vont perdre. Ils prennent un risque. Mais ça les excite. Les kleptomanes, probablement, c'est pas la valeur de l'objet. C'est le fait, est-ce qu'on va m'attraper? Est-ce qu'on va prendre la main dans le sac? Tout à fait. Mmh. C'est ça qui les excite. La preuve, une fois qu'ils rentrent chez eux avec l'objet, ils culpabilisent, donc, parce que l'excitation est partie, quoi, hein. Mais il y a un moment d'excitation au moment où il passe à l'acte. Madame de Beauvre, après s'être longtemps promenée avec sa fille, rôdant devant les étalages, ayant le besoin sensuel d'enfoncer les mains dans les tissus, venait de se décider à se faire montrer une de ces dentelles précieuses appelées « point d'Alençon ». Dans un coin du rayon, l'inspecteur Jouve, qui n'avait pas lâché Madame de Beauve, malgré l'apparente flânerie de cette dernière, se tenait immobile, l'œil toujours sur elle. « Regarde donc, maman !» disait Blanche qui fouillait à côté un carton plein de dentelles à bas prix. « On pourrait prendre de ça pour les oreillers !» Madame de Beauve ne répondait pas. Alors la fille, en tournant sa face molle, vit sa mère, les mains au milieu des dentelles précieuses, en train de faire disparaître dans la manche de son manteau des volants de point d'Alençon. Elle ne parut pas surprise. Elle s'avançait pour la cacher d'un mouvement instinctif lorsque Jouve, brusquement, se dressa entre elles. Il se penchait, il murmurait à l'oreille de la comtesse d'une voix polie « Madame, veuillez me suivre. » Elle eut une courte révolte. « Mais pourquoi, monsieur ?»« Veuillez me suivre, madame, » répéta l'inspecteur sans élever le ton. Le visage ivre d'angoisse, elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. Puis, elle se résigna. Elle reprit son allure hautaine, marchant près de lui comme une reine qui daigne se confier aux bons soins d'un aide-de-camp. Pas une des clientes entassées là ne s'était même aperçue de la scène. Le vendeur, revenu devant le comptoir avec les Berthes, la regardait emmenée, bouche béante. « Comment ? Celle-là aussi ? Cette dame si noble ?» C'était à les fouiller toutes. J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Anaïs Albert, alors vous êtes historienne de la consommation, du genre et des classes populaires à la Belle Époque, c'est-à-dire cette période qui est à cheval entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Et alors vous êtes intéressée plus spécifiquement aux grands magasins, puisque c'est vraiment le moment où émergent les grands magasins comme Le Bon Marché, comme Le Printemps, les Galeries Lafayette, que décrit très bien Émile Zola, d'ailleurs dans Au Bonheur des Dames, pour montrer quoi ? Alors, je me suis intéressée effectivement à ces grands magasins à travers un fonds aux archives de la préfecture de police de Paris et qui étaient des demandes de grâce, c'est-à-dire des femmes qui se font prendre la main dans le sac en train de voler aux grands magasins et qui écrivent au préfet de police pour ne pas passer en justice puisque le vol est quand même passible de prison. Or, il se trouve que ces demandes de grâce sont rassemblées pour les années 1914-1915. Donc, on est dans la Première Guerre mondiale, à un moment où c'est très difficile à Paris, il y a une pénurie, il y a du chômage, il y a des réfugiés, etc. Et donc, les justifications qu'elles avancent, je les avais notées ici. Donc, j'ai agi sous l'influence d'une obsession que je ne peux m'expliquer. J'ai agi dans un moment d'aberration. Je suis incapable de savoir ce qui m'a poussée à agir ainsi. Ce qui m'avait paru intéressant, c'est que, en gros, certaines mobilisent la catégorie kleptomane, enfin, essayent de dire qu'elles sont kleptomanes, ou, alors elles n'emploient pas le mot jamais. Et d'autres, en fait, ont un discours beaucoup plus, on va dire, social et économique, en disant, ben, j'ai volé parce que je suis dans la misère, parce que je suis réfugiée, parce que j'ai pas accès à certains biens et qu'il faut que j'y ai accès. Donc. Et alors, à partir de ces cas que vous avez étudiés, vous arrivez à quelle conclusion ? Alors, j'arrive à la conclusion qu'il y a, à mon avis, quelques cas vraiment très typiques qui ont quand même l'air d'être ce qu'on appelle au 19e siècle des kleptomanes, c'est-à-dire des femmes qui volent beaucoup d'objets, qui volent des objets de peu de valeur et qui vont les entasser chez elles sans les utiliser. Vous avez des exemples précis qui vous reviennent à l'esprit ? Alors oui, il y en a une qui s'appelle Valérie B, qui, elle, vole 28 paires de gants. Et elle se justifie dans sa lettre au préfet de police, parce qu'elle écrit une lettre au préfet de police en disant « Mais moi, je porte des gants troués. » Et j'ai pas utilisé ces 28 paires de gants qu'on a trouvées chez moi, etc. Et elle se justifie aussi, ce qui est une des manières de diagnostiquer la kleptomanie à la fin du 19e siècle, par l'hérédité. C'est-à-dire, elle dit, ma grand-tante est folle, j'ai eu des périodes de faiblesse. Donc, elle met en avant une forme de faiblesse psychique qui l'aurait poussée à voler. Donc ça, c'est vraiment un cas où on voit qu'on est, en tout cas, dans ce qui, au 19e siècle, est labellisé kleptomanie. Donc, des femmes qui volent alors qu'elles ont les moyens d'acheter. C'est ça la définition de la kleptomanie au 19e. Des femmes qui ont une forme de compulsion, qui volent souvent les mêmes objets et qui volent par hérédité. Ce qui est intéressant aussi dans la kleptomanie, c'est que c'est une maladie, enfin une pathologie de genre et de classe. C'est des femmes bourgeoises. Et c'est presque jamais, et c'est ça moi qui m'a intéressée, des femmes de classe populaire. Parce qu'en quelque sorte, Une femme de classe populaire, si elle vole par nécessité, alors elle ne peut pas être kleptomane. Une kleptomane, c'est quelqu'un qui a les moyens et qui vole. Donc en fait, économiquement, elle ne peut être que riche. Et il y a des historiennes qui ont étudié ça et qui ont fini par dire qu'en quelque sorte, ce diagnostic avait servi à amnistier des femmes bourgeoises, enfin qui pouvaient, qui avaient les moyens de s'en saisir, de se définir comme kleptomane ou d'être définies par des médecins comme kleptomane. Et donc, à ce titre, éviter le procès et potentiellement la prison. C'est en fait une forme de pathologisation, mais finalement pour ces femmes, il vaut mieux être folle que criminelle. Valentine de Lestrange était kleptomane. Je suis kleptomane et je n'en ai pas honte, se disait-elle. Ça l'amusait formidablement, comme un jeu. Chat et souris, souris contre chat. Quand elle y réfléchissait, elle avait un peu honte. Mais seulement un peu, et encore. Quand elle y réfléchissait, ce qui n'arrivait presque jamais. Et même alors, oui, même alors, elle n'était pas sûre de la vraie nature de ce scrupule. Le plus probable, c'était qu'elle avait honte de ne pas avoir honte. Non, il fallait être franc. En fait, elle n'avait pas honte du tout. Ce qu'elle ressentait, c'était un plaisir épatant. L'excitation du danger, la jouissance du passage à l'acte, le flash d'adrénaline comme un éclair d'orage dans un ciel plombé. Une petite zébrure là-haut dans les circonvolutions de ses architectures neuronales. Cinglante, voluptueuse, un orgasme cérébral. Florence Noiville, confession d'une kleptomane. Voilà, donc on arrive au laboratoire, et comme vous voyez là, c'est le laboratoire Neurosciences Paris Seine, qui fait partie de l'Institut de biologie de l'Université Jussieu. Bon, dans le couloir, vous remarquez cette odeur caractéristique des souris, parce qu'on a nos animaleries qui sont au-dessus. Salah El-Mestikaoui, vous êtes neurobiologiste. Tout à fait. Et alors, pourquoi on se retrouve ici, votre présence, alors qu'on travaille sur... Le sujet de la kleptomanie. Florence Noiville, quand elle m'a décrit son personnage et la pathologie, j'ai dit, tu sais, je fais une hypothèse, quand même, ça ressemble à quelque chose sur lequel moi je travaille chez mes souris, qui s'appelle la compulsion. C'est basé sur une partie de notre cerveau qui s'appelle le cerveau des habitudes, qu'on a tous, et ça recoupe des pathologies importantes, donc la kleptomanie, qui est une maladie assez rare, mais une maladie comme l'addiction, les troubles du comportement alimentaire ou les troubles obsessionnels compulsifs, vous savez, les gens qui savent trop les mains, ou qui sont obsédés par les microbes, ou qui ont des rituels très compliqués, ben, ils ont ce qu'on appelle un trouble obsessionnel compulsif. Je vous propose, Salah El-Mestikaoui, qu'on sorte de votre labo, qu'on échappe un petit peu à ce... D'accord, on va aller dans une bibliothèque qui est beaucoup plus calme. J'espère qu'elle est plus calme. Les souris ont dans leur cerveau des parties qu'on a en commun avec elles. Et pas que les souris d'ailleurs, même plus loin dans l'évolution, des poissons, des oiseaux ont une partie en commun. Et en particulier, donc la partie qui vous amène, et sur laquelle moi je travaille maintenant depuis 5-6 ans. Alors c'est connu comme étant le centre de la récompense. Tout le monde a entendu parler de la fameuse dopamine, qui est l'hormone de la récompense, l'hormone du plaisir. Mais ce qu'on sait moins, c'est que juste au-dessus, dans le même paquet de structures, il y a le centre qui contrôle nos habitudes. Donc on a une machine dans le cerveau qui va associer la récompense, les actions programmées, donc quand je veux quelque chose. Donc on dit, le terme, le jargon scientifique, c'est de dire une action dirigée vers un but. Et on voit très bien qu'il y a une association forte entre action dirigée vers un but et obtention d'une récompense. Alors, je ne sais pas si vous allez au boulot en métro ou en voiture le matin ou... En deux roues. Moi aussi, je suis en vélo toute la journée. D'ailleurs, ça paraît ultra dangereux. C'est quand même le nombre d'obstacles absolument incroyable. Et pourtant, je le fais. Je fais mon trajet tous les matins et je ne suis pas là. Je suis en train de penser à ce que je vais faire dans la journée, ce que je vais manger, ma prochaine manip. Donc ça, c'est typiquement l'automatisation d'un comportement. Donc ce qu'on appelle une habitude. Le problème, c'est que quand vous faites quelque chose de façon automatique... et plus ou moins consciente, vous perdez le contrôle. Ça s'appelle la compulsion, cette façon de faire les choses qui échappe à notre contrôle et qui nous pousse à le refaire. Et c'est ça qui fait le lien avec la kleptomanie. Et donc les patients décrivent cette espèce de montée d'angoisse qui les pousse à faire l'acte. Donc on voit très bien une dimension qui s'appelle la perte de contrôle. Et c'est pour ça que si ce système devient trop fort, il peut prendre complètement le contrôle de ma vie et me forcer à faire et à refaire des choses même si j'ai pas envie. Ben, c'est ce qui vous permet de comprendre pourquoi vous, si vous fumez, vous avez fumé votre 40e cigarette de la journée, vous le faites pas par plaisir. Vous le faites parce que votre cerveau des habitudes vous dit refais-le. Refais-le, refais-le. Et si vous ne le faites pas, vous êtes submergé par l'angoisse, en fait. C'est les gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, s'ils ne font pas leur rituel, ils sont super mal, en fait. Et au moment où ils font, ils accomplissent le geste, parce que leur petite structure, ça a un nom pas très sympathique, ça s'appelle le putamen. Ce putamen vous dit de le refaire. Si vous n'obéissez pas, c'est très anxiogénique. Autrement dit, cette structure qui est présente chez l'homme, qui est présente chez le rongeur, qui est chez l'homme, est pas plus grosse que mon pouce, elle prend le contrôle complet de ma vie, quoi. Donc si on revient à notre voleur ou voleuse compulsif, en admettant qu'il soit dans un magasin et qu'il s'apprête à voler quelque chose, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui fait que vous basculez tout à coup dans des habitudes en excès, c'est que la dopamine est devenue trop forte dans ce fameux putamen. Donc contrairement à ce qu'on croit, en tout cas dans le cas de l'addiction, c'est pas parce qu'ils ont trop de dopamine dans la partie récompense que les gens ont des addictions, mais c'est parce qu'ils en ont trop dans la partie des habitudes. Ce qui est spécifique à la kleptomanie, c'est ce soulagement quand on passe à l'acte. Parce qu'il y a une tension qui monte, et quand on passe à l'acte, c'est une extase, une exaltation, un soulagement. Mais ce qui ne dure pas longtemps, après qui est suivi par une phase de reproche, culpabilité. Mais il y a toujours cette notion, cette phase comme ça de montée de malaise, un plateau, passage à l'acte, hein. Et nous, on appelle ça trouble des contrôles des impulsions, c'est-à-dire c'est une pulsion, mais petit à petit, elle devient compulsive, c'est-à-dire le fait d'être obsédé par le contrôle de cette impulsion. Donc la kleptomanie est à cheval sur ces deux spectres. On avance comme chiffre 1% de la population qui serait kleptomane, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la schizophrénie. C'est un peu moins, c'est entre 0,6 à 1%. Et ça dépend dans quelle population vous la faites. Par exemple, si on s'approche des troubles qui portent cette impulsivité, boulimie, alcool, addiction, cette kleptomanie devient plus fréquente. Vous voyez, c'est dans le cloud entre l'addiction, l'obsession et la dépression. Vous voyez? Et parfois, elle se focalise sur le vol. Moi, j'ai plein de gens qui font des fixettes sur autre chose. Par exemple, des fixettes amoureuses. Je pense à une personne et toute ma vie, j'ai une obsession. On l'appelle érotomanie, vous voyez, comme la trichotillomanie, les gens qui s'arrachent leurs cheveux tout le temps ou qui se grattent le visage. On appelle ça dermatillomanie. Donc faites une liste comme ça de manies. Vous avez 12 à 15 comportements qui peuvent ressembler. Et on peut mettre la kleptomanie là-dedans. C'est-à-dire cette obsession d'un comportement ou d'une pulsion et qui deviennent répétitives. Et la personne est prisonnière, c'est-à-dire elle n'arrive plus à maîtriser. Hein? Et ça devient comme un rituel. Marie Benjamin, mariée, sans enfant, âge 28 ans, c'est bien ça? Oui. Vous êtes à Fresnes depuis 2 semaines? Oui. Pour quelle raison? C'est écrit, non? Pour quelle raison? J'ai volé. Quoi? Je l'ai dit ce matin. Qu'avez-vous pris? J'ai volé un coupon. C'est la première fois que vous volez? Oui. Vous en êtes sûr? Vous avez été condamné 4 fois en 10 ans. En 1904, en 1909, en janvier et décembre 1912. Et pour vol, chaque fois. Qu'aviez-vous volé? La soie. De la soie, c'est tout? Ah oui, rien d'autre. Vous avez essayé de vous retenir? Je peux pas. C'est plus fort que moi. Je pense à rien d'autre. Je suis poussée. Continuez. J'en ai assez. Je peux plus. au XIXe siècle, on commence à observer le corps des femmes, la médecine observe le corps des femmes, et notamment les cycles menstruels, mais aussi la grossesse, la ménopause, etc. Et on voit bien dans le corpus psychiatrique aliéniste que de plus en plus, on dit que ces femmes volent, alors parce qu'elles ont leurs règles, parce qu'elles sont enceintes. La période cruciale, c'est le début de la ménopause, là c'est la folie de la ménopause, donc elles se mettraient à voler. Donc c'est des moments où en fait la faiblesse du corps affaiblirait l'esprit en quelque sorte, et donc les pousserait au vol. Et quand on essaye de savoir si les femmes sont kleptomanes, on regarde du côté de l'hérédité, est-ce que vous avez des parents fous, des parents suicidés, des parents etc. Et du côté du biologique, est-ce que vous aviez vos règles à ce moment-là, est-ce que vous avez une vie sexuelle épanouie, est-ce que vous êtes enceinte, est-ce que etc. Et il y a, pour partie, même si c'est assez faible, alors ça a été beaucoup mis en avant, mais en fait c'est assez peu avancé par les aliénistes, la frustration sexuelle et le fétichisme. Et donc il y a cette idée qu'elle volerait notamment beaucoup de soie, qui est le tissu fétichiste par excellence à la fin du 19e siècle. Et qu'elle volerait aussi de la lingerie, puisque ça serait relié à la sexualité. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme. Froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme. Et ensuite, ces maladies psychiques circulent dans la société au-delà des aliénistes. Donc on les retrouve dans la rubrique faits divers des journaux, hein, beaucoup. Donc il y a beaucoup d'affaires de femmes kleptomanes, quand elles n'arrivent pas à éviter le procès. Hein. Et donc, cette image, cette maladie circule. Elle circule aussi dans la bourgeoisie. Je pense qu'en tout cas, pour certaines femmes, on peut se saisir de cette image, on peut jouer la kleptomane en quelque sorte, pour se sortir d'un mauvais pas. Mais certaines le sont aussi, certainement. Parmi celles qui jouent, alors, vous avez un exemple qui vous vient à l'esprit ? Oui, alors il y en a une qui s'appelle Henriette, je ne me souviens plus de son nom de famille, qui, quand elle est prise, utilise tous les mots de la kleptomane. Donc elle dit « j'ai des obsessions, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai été attirée par les objets ». Donc bon, on voit bien qu'elle, en quelque sorte, elle mobilise tout ça. Et sauf qu'on lui dit, mais oui, mais dans votre sac, il y avait de la ficelle et du papier. Et parce qu'en fait, une des techniques de vol dans les grands magasins, hein, c'est de prendre un objet, puisqu'ils sont en accès libre en réalité, les objets, d'enlever l'étiquette, d'aller aux toilettes et de faire un paquet, comme si on l'avait déjà acheté. Et ensuite, soit de partir avec ce paquet comme si on l'avait payé, soit carrément, et là c'est encore plus filou en quelque sorte, de revenir à l'accueil et de faire un rendu, c'est-à-dire de se le faire rembourser. Et donc elle, elle est attrapée avec de la ficelle et du papier dans son sac. Et donc on lui dit, bon, vous nous dites que vous voulez compulsivement, mais en fait il y a de la préméditation. Et elle dit, ah oui, c'est une manie que j'ai d'avoir de la ficelle et du papier dans mon sac. Et c'est intéressant parce qu'elle emploie le mot manie, qui évidemment, dans l'esprit des policiers, des aliénistes, etc., renvoie à toute cette littérature médicale sur la manie. Alors ce qui est étonnant dans votre thèse, Anaïs Albert, c'est que vous dites aussi que les magasins sont une espèce de pousse au crime, que la manière dont tout est organisé, les étalages, etc., pousserait les femmes à voler. Alors ça aussi, c'est une théorie des observateurs sociaux de la fin du 19e siècle, parce qu'effectivement, ces grands magasins émergent à Paris sous le Second Empire, donc dans les années 1860, on va dire, et ils constituent une vraie rupture avec le système marchand précédent, qui était un système de petites boutiques, où on était conseillé par le vendeur, qui vous aidait à choisir. Là, il y a une forme d'anonymat, parce que c'est beaucoup plus vaste, et puis il y a des objets en accès libre, donc qu'on peut aller essayer, qu'on peut acheter, etc. Et le lieu qui est un lieu où beaucoup de vols sont effectués, c'est qu'en plus, pour attirer les clientes, les grands magasins font des étalages sur le trottoir, des petits coupons de tissu, des voilettes, des chaussettes, enfin des choses qui sont pas très chères, on met pas les fourrures sur le trottoir, hein, mais on va mettre des objets de peu de valeur. C'est en quelque sorte là qu'ont lieu beaucoup de vols à l'étalage aussi. Et alors là, on revient sur ce discours de la faiblesse féminine. Et donc cette idée, hein, qu'en réalité, ces femmes seraient encore une fois pas forcément coupables, puisqu'elles seraient victimes du grand magasin qui les pousserait à acheter et éventuellement à voler en mettant toutes ces marchandises à disposition. 10 janvier 1997, Bernard Pivot reçoit Jean Marais dans Bouillon de Culture. Votre mère, que vous adoriez, qui était une femme, c'était un champ d'amour à votre mère. Ma mère, finalement, m'a élevé d'une façon fantastique. Oui. Et en même temps, cette femme exemplaire était une kleptomane qui allait de temps en temps en prison. Ma mère était un éternel Père Noël, si vous voulez rapporter des cadeaux tous les jours. Ben oui. Et, et alors, bon, donc tout ça me semblait un peu curieux quand oui, même. Fallait quand même. Je ne voulais pas savoir. Ouais. Mais et alors, bon, quand je l'ai su ouais. et qu'elle est sortie de prison, elle m'a emmené dans les magasins pour l'aider. Si vous voulez, je faisais sortir chez Révillon plein de renards argentés. Et elle partait avec 5 ou 6 renards argentés. 5 ou 6 Oui, oui, oui, parce bon. Qu'elle avait une jupe plissée avec un élastique. Et alors, elle sortait enceinte, si vous voulez. Elle était belle. Un mot, Anaïs Albert, des techniques de vol. Comment elles s'y prennent, ces voleuses bourgeoises? Alors, il y a plusieurs techniques. La plus fréquente, hein, c'est dissimuler les marchandises dans les habits, et particulièrement en hiver, dans les manchons, c'est-à-dire dans ces sortes de tours de fourrure dans lesquels on cache les mains. Donc là, elles mettent des habits à l'intérieur, enfin des tissus, des objets à l'intérieur, ou dans les poches de leur manteau. Et puis, il y a aussi des vols en duo. Alors ça, c'est très fréquent, avec souvent des femmes d'une même famille, des sœurs, une mère et sa fille, avec une qui fait le guet, et l'autre qui vole les objets, ou une qui essaye de faire obstacle, parce que évidemment il y a des vendeurs et des vendeuses dans ces magasins qui surveillent, et il y a les inspecteurs et les inspectrices du Bon Marché, des Galeries Lafayette, qui eux sont spécialisés dans le fait de chercher les voleuses, donc qui tournent dans les magasins, et c'est eux qui arrêtent toutes ces femmes qu'on retrouve ensuite dans les archives. Un peu plus tard, confondue par l'inspecteur Jouve, la comtesse de Boves fut fouillée par 2 vendeuses de corsets. Outre les volants de point d'Alençon, 12 mètres à 1000 francs cachés au fond d'une manche, elles trouvèrent, dans la gorge, aplati et chaud, un mouchoir, un éventail, une cravate, en tout pour 14 000 francs de dentelle environ. Depuis un an, Madame de Beau volait ainsi, ravagée d'un besoin furieux, irrésistible. Les crises empiraient, grandissaient, jusqu'à être une volupté nécessaire à son existence, emportant tous les raisonnements de prudence, se satisfaisant avec une jouissance d'autant plus âpre qu'elle risquait sous les yeux d'une foule son nom, son orgueil, la haute situation de son mari. Elle volait pour voler, comme on aime pour aimer, sous le coup de fouet du désir, dans le détraquement de la névrose que ses appétits de luxe inassouvis avaient développé en elle. Au bonheur des dames, Émile Zola. Comment on peut expliquer qu'il y ait une prévalence comme ça féminine dans la kleptomanie ou dans ce type de vol? Oui, 90% dans les enquêtes. Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est misogyne? Oui, oui, on peut dire misogyne si dans les enquêtes, on dit les hommes ne sont pas kleptomanes, c'est pour les nanas. Hein? Non, toutes les enquêtes montrent que souvent c'est les femmes, 90%. Pourquoi, j'en sais rien. Comme la boulimie. Elle est plus féminine que masculine. Ou l'anorexie. L'anorexie mentale. Il y a des troubles comme ça, hein, où il y a un effet genre, c'est-à-dire, est-ce que c'est la psychologie, les hormones? Alors, ce qui est intéressant, c'est comme toujours, avec le passé historique, en fait, on ne connaît pas du tout la totalité du vol. Il y a un océan noir, un océan de vol qu'on ne connaîtra jamais. Ce qu'on connaît, nous, c'est, un, les gens qui sont arrêtés par la police, et après, éventuellement, ceux qui passent en justice et qui sont condamnés. Donc, c'est là où le filtre social joue à plein. C'est-à-dire, quand on regarde les statistiques à Paris de vol à l'étalage à la fin du 19e siècle, à partir de 1880, on a des statistiques, c'est 2/3 d'hommes qui sont arrêtés, 1/3 de femmes. Donc, en fait, le vol à l'étalage est majoritairement masculin. Par contre, celles qui vont bénéficier du diagnostic de kleptomane et donc qui vont pouvoir éviter les procès, etc., c'est toutes des femmes. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des femmes kleptomanes. Ça veut dire que celles qu'on va labelliser comme ça, c'est des femmes parce que justement on a identifié cette manie à une manie féminine. C'est juste que les hommes vont avoir beaucoup plus de mal à bénéficier de ce diagnostic qui les disculperait et qui leur éviterait de passer en procès. Les policiers de Metz ont découvert au domicile d'un homme à la fois kleptomane et bibliophile plus de 7000 ouvrages dérobés depuis 2 ans dans des librairies de la ville. L'individu a dit aux policiers qu'il n'avait lu aucun de ses livres. Il a été arrêté à la suite d'une planque montée par un libraire qui en avait assez de voir disparaître son stock. Vous diriez au bas mot que vous avez volé combien de livres? Combien? Beaucoup. Là, je sais pas combien, mais plus de 1000, sans doute. Hein. Parce qu'après, c'est en vol pas qu'un, t'en voles plusieurs. Quand tu es dans une des logiques organisées, même, je fais plusieurs librairies et je pose mon larcin dans des portes cochères, derrière des poubelles, etc. Et c'est seulement à la fin de la journée que je reviens... Récupérer votre butin. Voilà, récupérer le butin. Voilà, je me fais beaucoup prendre aussi, hein, d'ailleurs. Là, vous souvenez de la première fois que vous avez volé Kiki Picasso ? Oh ben là, quand j'étais tout petit, mes parents, quand j'allais en visite chez des amis, mes parents me fouillaient au moment où on quittait l'appartement où on avait été invité. Et généralement, j'avais toujours deux, trois conneries, un petit soldat, un petit bibelot, des petits pois dans une jolie balance ancienne, des tout petits pois en cuivre. Et moi, je suis tout petit et je les trouve très, très jolis et je les prends. Et finalement, voilà, on va me les reprendre à la sortie, mais c'était pas très, très grave. Je me souviens de voler des timbres dans le quartier du Louvre. J'aimais beaucoup les images. Ça, c'est une chose que j'ai toujours aimé depuis que je suis tout petit. Les timbres, waouh, super beau, etc. Et je suis avec une nounou ou une fille au père, je crois. Et elle le voit, elle me dénonce et je me prends une volée par mon père, un coup de ceinture, etc. Voilà. Donc ça, je me souviens de ce vol précis. Après, je me souviens même quand je suis plus jeune, là, vraiment, encore presque, on pourrait dire fin de primaire, je fais les caves dans les immeubles avec des copains. Et là, il y a toujours des trésors, justement. Là, par exemple, je me souviens de collections d'images encore. Les fameuses petites images qu'on avait dans le temps, l'équivalent d'aujourd'hui des images Panini, mais qui ont le Moyen-Âge, les animaux préhistoriques, la faune, enfin bon, voilà, chose magnifique que j'adorais aussi. Et donc c'est le plaisir, le vol en quête d'un plaisir immédiat, d'une accumulation aussi, comme ça, toutes ces images, toutes ces documentations, ce savoir-faire, cette capacité d'observer qui est vraiment étonnante. On arrive presque à une sorte de perception psychédélique d'ailleurs. Voilà, comme quand on est sous LSD, son champ s'ouvre à 360 degrés. On est un peu proche de ça. Le voleur est là, il a des yeux dans le dos. Tiens, vous êtes presque en transe quand vous volez ? Plus que l'idée de transe, j'aurais tendance à évoquer une augmentation de la vue. Tout simplement. Le même truc quand t'es un peu miro, et puis tout à coup tu mets tes lunettes, et puis tu peux lire les choses. Voilà, tout simplement. Bon... Au fur et à mesure du temps, les gens qui nous surveillent se sont améliorés. Ils savent faire ça. Ils savent, je pense, comment les vigiles dans les grands magasins, qui sont déguisés en ménagères, etc., avec le petit panier. Je me souviens avoir toujours rêvé d'avoir les lunettes qui permettent de voir derrière soi, que je n'ai jamais eu. J'en ai testé déjà tout récemment, d'ailleurs. Bon, ça, c'était pas mal, ouais. Et donc vos parents, visiblement, sont au courant dès votre plus jeune âge que vous piquez chez leurs amis. À un moment donné, un peu désespéré, ils vont m'envoyer voir des psychologues. Voilà. Alors là, je suis très très jeune, j'ai très peu de souvenirs. J'ai souvenir que c'était plutôt tranquille, que vraiment c'était presque à la limite du centre aéré, peut-être. J'ai pas le souvenir de gens me disant il faut arrêter ça. Par contre, le truc amusant, c'est que j'ai eu des dossiers de cette époque conservés et que dans les dossiers, il y avait à un moment donné écrit abandon des soins faute de collaboration du patient. Donc, finalement, j'avais pas trop envie d'être guéri parce que sûrement je trouvais ça très très bien de pouvoir rentrer dans un magasin de jouets, de sortir avec un petit soldat, un cavalier d'Ivan Noé, magnifique, peint en couleur, une petite voiture. Donc j'étais voleur tout azimut. Tic-tac. Analyser, prévoir, décider. Agir. Tour d'horizon. 360 degrés. Nul ne semblait prêter attention. Du reste, quiconque l'aurait regardé aurait eu l'impression d'une cliente réfléchissant avant d'acheter. Jouant avec son écharpe comme on peut le faire machinalement quand on est indécis ou plongé dans ses pensées. C'était le moment. Lestrange se lança. Lentement, elle avança entre les parois de plastique transparente. À chaque pas, Elle s'attendait à ce que la sonnerie se déclenche, pensant à ce qu'alors elle pourrait inventer. Un pas, elle se rassurait en se parlant à elle-même. In petto, ça ne doit pas sonner, Valentine. Rationnellement, tu as tout vérifié. Deux pas, bien sûr que non, ça ne devait pas sonner. Mais qui sait ce que les types de la sécurité étaient capables d'inventer? Autrefois, c'était différent. Un autre métier. Rythme cardiaque. Accélération. Peur. Mais légère. Pas désagréable. Une peur qui la portait en avant. Lui soulevait la jambe, presque. Pour lui faire faire le troisième pas. Elle se voyait jouer les innocentes. La vieille dame égarée qui ne comprenait rien. Pardon ? Vous dites ? Je suis sortie avec ? Oh, mais c'est bien possible ! Oh là là ! Voyez-vous ça ? C'est la tête, vous savez ! Elle misait sur son physique et ses yeux pâles. La dame d'un certain âge, tellement comme il faut. À ce stade, tout le monde se trompait. Il comprendrait. Pas de scandale. Ça nuirait à l'image du magasin. Troisième pas. Et voilà. Elle était de l'autre côté. Libre comme l'air froid qui lui piquait les joues. Voilà. C'était fait. Et bien fait. Aussi simple que ça. Pas besoin de s'en faire une montagne. Florence Noiville, alors là on se retrouve place du Trocadéro, dans un café un peu chic, comme pourrait fréquenter votre personnage, finalement, Valentine de Lestrange, qui est femme de ministre et qui est kleptomane. Comment vous êtes intéressée à ce thème de la kleptomanie ? Souvent, quand on me demande ce qui m'a vraiment, vraiment, au fond du fond, intéressée dans ce livre, c'est cette phrase « c'était plus fort que moi ». Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça ?« C'était plus fort que moi ». J'ai pas pu m'en empêcher, « c'était plus fort que moi ». Qu'est-ce qui est plus fort que nous ? Qu'est-ce qui prend le dessus ? Qu'est-ce qui prend le pouvoir en nous ? Pour que tout à coup, le « je » s'efface, le libre arbitre n'existe plus. Et c'est un autre moi qui entre en jeu. Pour l'écrivain, c'est passionnant parce que c'est tout le je, J-E, qui est tout à coup complètement chamboulé et remis en question. Comment on a le droit d'écrire après ça ? Alors, le mari de Valentine de Lestrange est ministre. Effectivement, je me suis là inspirée de Jérôme Cahuzac. Et je me suis amusée à coller donc deux histoires vraies, celle de mon héroïne Valentine de Lestrange, qui est en fait une compilation de plusieurs témoignages de kleptomanes que j'avais recueillis et dont j'ai fait un seul personnage, avec ce personnage réel de Jérôme Cahuzac. Et ce qui m'amusait, c'était le côté chiasme, enfin le côté, comment dirais-je, il y en a un qui est un grand vol à très grande échelle, et à qui, finalement, il n'arrive rien. Je crois que si mes sources sont bonnes, je ne pense pas qu'il soit en prison. Je crois qu'il est médecin en Guyane, non ? Au moment où on parle, voilà. Et l'autre, qui enchaîne une série de petits vols, souvent d'ailleurs assez dérisoires, mais qui est passible de je ne sais plus combien d'amendes et d'années de prison, alors même qu'il s'agit d'une addiction pathologique, quoi, d'une maladie. Voilà, j'ai un peu joué autour de ça. Il arrivait même que voler soit la seule chose qui lui remonte le moral quand elle ne l'avait pas. Sauf qu'elle ne se disait jamais qu'elle volait quand elle volait. Elle détestait ce verbe. Affreux. Tellement banal. Vulgaire, presque. Dans le feu de l'action, jamais ce terme ne lui venait à l'esprit. Il y en avait tant d'autres, tellement plus imagés et poétiques. Comme elle s'amusait parfois à en faire des listes, comme ravir, dérober, détourner, soustraire, subtiliser, distraire, délester, escamoter, chaparder, détrousser, barboter, chourer, chouraver, sans parler de filouter ou de friponner, qui vous avez un petit air ancien et coquin, une invitation au passage à l'acte. Mais son préféré était encore plus simple. Son préféré, c'était « faire disparaître », qui renvoyait à la beauté enfantine d'un tour de magie. Tu la vois, cette paire de gants ? Hop, elle est là. Hop, elle n'y est plus. Un côté bonneteau sur les remparts de Budapest. Illusionniste à la Robert Houdin. Oui, elle aimait beaucoup faire disparaître. Et puis, quand aucun de ces mots ne convenait, elle s'était dans sa tête forgé le sien propre. Tout bête et complètement à elle. Klepté. Un verbe du premier groupe. Avec son bref substantif klept, qui suggérait bien la rapidité du geste. Une petite pirouette et tac, in my pocket. Où est-ce qu'on se trouve, là, Clarisse ? Alors, on se trouve devant mon dressing, donc il y a mes fringues. Et là, il y a une chemise que j'ai volée quand j'avais peut-être 24-25 ans, d'une marque assez chère. Une initiale qui se finit par B. Ouais, voilà. Parce que j'ai volé pas mal de choses dans ce magasin et ça s'est toujours très bien passé. Donc j'avais un petit peu l'impression que c'était open bar. Ma technique, elle était assez artisanale, c'est-à-dire que je faisais un petit trou pour enlever l'antivol. Et d'ailleurs, il est encore présent, et ce trou. Le trou est toujours là. C'est une chemise que j'ai beaucoup portée, surtout pour des entretiens d'embauche, des trucs un peu importants. C'est une chemise qui porte chance. Enfin, quand je la porte, je suis assez glorieuse, ouais. C'est une chemise de luxe, quoi. Après ça, elle avait levé le pied. Quelques mois avaient passé, mais finalement, elle avait recommencé. Un éventail en bambou dans une vitrine de Shanghai. Business as usual. Un manteau de castor à Londres. Ça, c'était plus gonflé. Dans les périodes de forte activité, Valentine avait l'impression que klepté la tenait en éveil. Elle ne pouvait pas sortir d'un magasin sans emporter quelque chose. Et si elle n'y arrivait pas, elle en concevait une forte contrariété. Pas de culpabilité, toujours pas. Ça l'amusait. Ça l'excitait. Elle en avait besoin. Mais je rêve pas. Mais je rêve pas. C'est du vol. Ah, c'est un jeu. T'as pas honte. Et tu sais comment on finit? Ah, c'est vous la mère. Ah, bah c'est bien, on les élève bien, les enfants. Ah, on les élève. Et puis elle s'en fiche, et puis elle s'en va. Ah, mais c'est un scandale. Ma fille est une voleuse. Ta fille est une voleuse. T'en fais pas, ça va lui passer, va. Ma fille est une voleuse. Quand j'étais mineure, systématiquement, donc les flics appelaient mes parents, ce qui était quand même un peu se taper la honte. Après, quand j'étais majeure, voilà, j'étais responsable de mes actes aux yeux de la loi. Et voilà, jusqu'à un certain point, ça s'est toujours bien passé. Enfin, c'est-à-dire qu'ils m'ont laissé partir. Et puis, un jour, j'ai volé, c'était des collants pour faire des costumes. Et donc là, ben, pour la première fois de ma vie, le gérant de la sécurité a pas laissé partir. Et il a appelé les flics et ils ont porté plainte. Alors déjà, premièrement, je suis allée chez les flics, mais cette fois-ci, ils m'ont mise en garde à vue. Ils ont pris mes empreintes. Et donc là, il y a eu une poursuite, comme on dit. Mais stade 1, quoi, donc un petit rendez-vous chez le juge, en fait, qui m'a un peu accueillie comme un médecin de famille, en étant un peu fâchée derrière son bureau, mais gentil, comme ça, très paternaliste. Il m'a expliqué que c'était pas grave, mais que la fois d'après, vous allez vraiment passer devant un tribunal pour ça. Donc j'ai eu une amende. Voilà, il m'a intimidée, il m'a fait comprendre que j'avais dorénavant un casier. Et en fait, ça a opéré un changement assez radical, c'est que j'ai plus du tout volé. Qu'est-ce que vous ressentiez, Clarisse, au moment de passer à l'acte, voire même avant et après ? Ça fait mal au ventre, ça fait de la tachycardie, ça donne très très très chaud, on a l'impression qu'on pourrait peut-être tomber dans les pommes. qu'on a le visage complètement contrit, qu'on est tout rouge. Donc souvent, je faisais semblant de téléphoner pour m'occuper et tout ça. C'était pénible. Et en plus, pour pas grand-chose, parce que c'était pour avoir un truc beau ou un truc mieux. Les accros du vol. Comprendre la souffrance sous-jacente. Tout ça, d'accord, mais où sont les traitements? Ah, voilà. Thérapie cognitivo-comportementale. Méditation de pleine conscience. Antidépresseur. Voyons. Cause présumée du problème. Faible estime de soi. Frustration non exprimée. Antécédents psychotraumatiques. Maintenant, vous allez me dire, une fois que le diagnostic est fait, comment on le soigne? Vous avez des experts qui disent c'est addiction. Donc on la traite comme une addiction à l'alcool ou d'autres addictions comportementales. Au jeu? Le jeu, les achats, impulsif. L'internet, le sexe, tout ça. Hein? Ok. D'autres, ils disent non, c'est un modèle de TOC. Donc, c'est la partie compulsive, c'est-à-dire le fait d'être obsédé. Donc, on donne des médicaments ou des thérapies qu'on applique au TOC. D'autres, ils disent non, c'est le modèle affectif. Il y a une dépression profonde derrière, et souvent de nature cyclique ou bipolaire, parce que pour passer à l'acte, là, il faut les soigner comme des bipolaires. Comme si c'est un syndrome qui est au carrefour de plusieurs spectres, hein, et là où il y a le spectre dominant, on prend une piste et on soigne. Le but étant faciliter au malade le contrôle de ce geste ou changer les habitudes. Et les thérapies qu'on appelle cognitivo-comportementales, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne, que vous la utilisez? La même chose, selon le modèle que vous prenez. Si vous prenez le kleptomane comme un TOC, vous appliquez les TCC pour les TOC. Ils ont essayé ce qu'on appelle les techniques aversives. Vous voyez, c'est comme par exemple pour l'alcool, si vous buvez, vous vomissez. D'associer le vol ou l'objet à une sensation physique désagréable. Ou des techniques d'exposition, c'est-à-dire d'aller dans les magasins avec un psychologue, voyez, passer devant l'objet, le toucher sans le voler, et amener toutes les pensées automatiques ou les émotions qui viennent. Et l'idée, c'est si je contrôle mes émotions et mes sentiments, voyez, cette seconde d'impulsivité, je peux la gagner. D'autres ont fait des psychothérapies plus analytiques, aller dans l'enfance, quelles sont les blessures. Pourquoi ces gens ont ce sentiment de vide? Est-ce qu'ils ont été délaissés dans l'enfance? Ou ils avaient ce sentiment de manque? Ils avaient faim et des trucs, non? Mais on n'a pas de suivi, il n'y a pas d'études là-dessus. Non. Merci au docteur Élie Antouche, à Anaïs Albert, Salah El-Mestikaoui, Kiki Picasso, Florence Noiville et Clarisse. Avec des extraits d'Au bonheur des dames, lu par Marc Léognan, et de Confession d'une kleptomane de Florence Noiville, paru chez Stock, lu par Sabine Amaury. Recherche INA Marie Chauveau. Extrait du film Le cri de la soie d'Yvon Marciano, Diablomante de Diane Curis. Prise de son, Yves Lehorse, Olivia Branger, Valérie Lavalard. Mixage, Alain Joubert. C'était Voyage en kleptomanie, un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Anna Smuk. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avant la thérapie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret.